Bonjour Cathy, je te fais des tâches, par exemple à 200 étoiles, tu auras le droit d'envoyer des textos. Donc 200 étoiles, c'est par exemple une tâche qui t'envoie 200 étoiles, c'est celle de me parler. J'en recréerai d'autres. Ce soir, tu les verras tous sur l'application Pingo. À 500 étoiles, tu auras le droit d'utiliser YouTube. Et à 1000, tu vas avoir domination. On verra pour la suite. Ah oui, au fait, tu disais que tu voulais quitter Gérald. Bien sûr, moi, je vais m'en occuper. Ça tombe bien, chérie. Donc là, sur moi, je vais bien m'en occuper. Il sera libre pour moi. Quitte-le. À bientôt.